Mali Sénégal, Wally c'est des music. Me ya ya mo te gele la itimia adamu anania adande che itimia no baby gala ya show itimia adamu anania adande che itimia no baby uwa show Jarabila kasimani ye bebe mi fe ne janya mola toromani ye bebe mi fe kanu gele wande kanu imai deli gele wande bebe ne ye mingila foye koba usani kasiye ne ye mingila foye koba usani dimi dimi ye Nenye mingi la fonye Koko usani yere koroi Gele gele babe Dobo diyanye la bebe Chiri sawalisa bebe Ila kasi maninye Ah, toro maninye bebe Kana eskoro la mede Bebe ubishoke Ikana namfigi la mede Ne mani yo ye Eskoro ya ni yo ye Ube fega nga kanudu mafara Me awanye Awan nga kanudu ma ye Awan toy Abende ni nga bebe toy Balu kumara gadese, balu kumara gadese, koroke lu kumara gadese, bebe ningo kabeni ekipe. Ukumara gadese, namfeke kumara gadese, mujugu kumara gadese, bebe ningo kabeni ekipe. Le fanavife, moi je t'aime, the very friend. I love you. Benidia, you're Benico, can you roll it? Never suck in the moon. Benidia, you're baby, money, I live in now. Bebe, musanga lebe na. Bebe, artisti fema no ne vado. Jerula uve jena, wamajula uve jena. Enote ala de yake, wane note masala de yake. Famu yalike, nebe lefe. Famu yalike, nebe lefe. Angani anya gove, bebe ya na fine wenela. Ika sufe kudumu kari ye. Ino ablava. Iye la jove ne esure. Wey jojo gove ne exite. Bule kuya tenzere. Tese kasino la ne badeni. Hey! La kile kurane bora masa ala ye nekata suma mere mo tourne baden kera mo concert baden kera mo kiche ferme baden kera ni be ala re nekate ade ni be ala re mo nekate ade mo facebook be kera sidiye mo nekate ade snap be kera sidiye Ube kote music, tine bele sona zidi miye Ube kote music, ala kanke se juguluma Amina Da juguluma Amina Mwenye juguluma Amina Mokuma kan juguluma Amina Kake sijani kene yae Amina Kake labangu nyumane Masa ala tini dibema Jajonte kono ina masala ye ala bariga ye jajomeni daka no jajomeni daka nafati juu yala lewili la dondola kome ke foli ke la ye uye njugu ya uye nkoni ya uko kwante ke fenye lewili la dondola Come che folli che la è, qui in coro fo, qui in dogoia, uco cote che fegne. Già me ne da cane, già bebe chi da cane, i bebire non da i tessini no, e alla de mai. Serena, mire la tara inala, come piano cala, uco ponete che ha da fa, ponte se ca che piano folaye, nene come casi, ne ba fuma fonde nye dice, i ba cadua ubie, noi ci ende te malo, nene come casi, mfa ba fone cadua ubie ende, do de besege, cadua ubie te malo. Nenjija, pakura hita, wala saje kana yele natu Nenjija, katusuta, wala saje kana yele natu Sosani maye, alale hine masaye Fama barigaye Mubini sera, malipe kusiri hidawate Diyembe kusiri hidawate Dogo jawate wa miuze Nebe abane fulina Nibangi baunya nangu tete sirano Nebe abane fulina Musomu yunende utende tenyela Chanyoma ya ikaraye Angana jono gona Jajoma ya ikaraye Nibu hiri no iti sini no ntiri Duwa uja bi alima grande mon volo. Bébé ala de volo, mon chita grande mon volo. Ala fara nyogona. Dono chesune, dono chejan, dono chejan de, dono chesune. O harama de tisi, o ala de tisi. O masakelen kli de jine lava. Alhamdulillah, Rabbi alami. Bi, jine be kule nani ne. Me bi ne be kule ni mfani mbae. O unche, paske na o kute bi, ne te biso. Jaba teba music, yeah, yeah. Iteni ya kolu kere, shine ifa. Neni ga kolu kere, wala iteni kari. Ite kuma duma duma numfone, shine ifa. Neti ya kuma fone, wala iteni kari. L'amour c'est donadona, tu me donnes et je te donne. L'amour c'est donadona. Wala ne vive ni dia ya kolukere ni mi dia ya kolukie ni dia ya kolukere ni mi dia ya kolukie ma chéri mon amour ne mi dia ya kolukie ma chéri mon amour ne mi dia ya kolukie fais moi plaisir ne kelenta fais moi plaisir fais moi plaisir ne kelenta fais moi plaisir fais moi plaisir ne kelenta Mon amour ne t'en fais pas, wallahi ne vive. Tu es l'amour de ma vie, wallahi ne vive. Ikana joro, ikana ame, wallahi ne vive. Ikana joro, ikana doute, wallahi ne vive. Ika kele pa kele arrange, obele kerange. Ika kuma duma nuka rime, wallahi ne vive. Video duma ni cinema, message duma ni cinema. Kuma ka duma nufone, obele kene ya. Snap to manu cinema, bisu to manu canela, ita to manu mani canegu. Obene canea, oben canea, canea, canea, obene canea, obe motive, motive, motivation cane motive. La matroche monte, maintenant je suis bétonné. Elle est ma préférée, propriété privée. Pas touche, il faut pas toucher, il faut pas toucher à ma go privée. Il faut pas toucher à ma propriété privée. Et couple mondial, des musiques mondiales. RB, ouais c'est bon, allez, amour mondial. Et couple mondial, des musiques mondiales. RB, ouais c'est bon, allez, amour mondial. L'amour c'est dona dona. Tu me donnes et je te donne, et on est gagnant gagnant. Et si va la vie, fais-moi plaisir, bébé, allez fais-moi plaisir. Dis-moi que tu m'aimes, allez, dis-moi que tu m'aimes. Ni un dia y'a qu'on nous gagne, bébé dia y'a qu'on nous gagne. Machine. je suis collé, oh. Elle m'a trop chimenté. Je suis bétonné. Je suis bétonné. Je suis bétonné. Je suis bétonné. Je suis bétonné. Fais-moi plaisir. Jawate wa miuze, aha, afa jawate wa miuze, nterike ya o monami, ala kato nyongo ye teriala, teriala. Ce son est pour tous les hommes du monde. Nterike ya o monami, ala kato nyongo ye teriala. Biteria chienendo, biteria kera warikoe, biteria chienendo, anga biteria kera tokoe, biteria chienendo, biteria kera musogoye. Mais les vrais amis, c'est pour la vie. Amalanyan, Baruba. Les vrais amis, c'est pour la vie. Alassane Khan. Nikoteria afo bali maya, nikoteria afo nyongon deme, ani nyongon famu. Idale no ideri gemina, iba soro obekele yaila. Idale no ideri muso mina, ideri muso debi gulo boroto. Idale no ideri gemina, ideri ke o debi idjamfa. Idale no ideri muso mina, ideri muso debi. Teria kari jafa male, anga nyonga mine, anga kekele ye oreba teria niya. Teri geyo bonami, alaka to nyongo ye teriala, teriala, teriala, sinjiala, anibadiyala. Teri geyo bonami, alaka to nyongo ye teriala, teriala, uri teriala, sinjiala, anibadiyala. Le sirana. Nsirana le biteriyanya Nsirana le Nsirana le Bimo manyine Nsirana Ubeju mafinya na ubeju mafoykole Nsirana Nsirana le Mobateri kuno fobagade Mobateri tiye fobagade Mobateri sutara bagade. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Ou bien y'a n'a qu'ma fille qui nége nége. Kibla erreur la kashroka yele ila. Mouna, mouna. O te teri ya dumaye. Teri kaya bonami. Ala kanto nyongo ye teri yala. Teri yala. Teri yala. Ache kuma eteria teria duma ka di tro anga kenyo on feteria la kanyo on blasira ni manga ka chinye fo nyo eteria la ubanga teria dia iba wan uye uya te beti gimba amadusi rebel chupa motara bele bele omanya tele joni ya madu jalo jamjai zinya koroso balilu montana. Bad boy, Uma Sengwa Bokum Service, Alvin Choco Luxi, Yanyi les succès. Gilles Digue, Mamala, Dede Travera, Oyende, Boubacar Ba, Seydina Jigue, Ali Anne, Oyende, Colby, Kuro de Paris, Adama Karawere, Abdullah Ali, Oyende, Manikan, Cheikh de Paris, Babou de Paris, Moussa de Paris, Oyende, Djadje le footballeur, Jamal Ba, Didier Colos, Soudan. Kuma Eteria, Pablo Cham, Sigiteri Befo, Nadanero, Zulaifu, Union Africain, Amenon Boulevard. A tous mes fans, Group Jabateba Muse. Jabate ba miuza. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Amala nyang, baruba, balaba jabate on the bed. Why jabate? Kala yula, sangoy. Jigi tuku abdini yatara. Nijugu ya biko ni bala bolo itebi bali ma jugu biki kele ni bala bolo itebi ni teri jugu biko ni bala bolo itebi le na na na ama musa yanke duwa ude demi ude duwa ude ama musa yanke duwa ude mukuma kamza duwa ude le radus duz no no je suis désolé. Donko de bele bele muse muse, aka l'enfant béni. Fade ya ye molu bali ya ye, mimi ya ibolo. Fade ya ye molu bali ya ye, mimi ya ibolo. Tante ne bolo, uga tante ne bolo. Nete Facebook mana mana kau la mele. Nebe konti ne kabara ke kamali ya unkuna bolo. Tante ne bolo, uga tante ne bolo. Nete mbogo shiga mana mana kau la mele. Continue cabara que Africa un kuna wolo. No no, je suis désolé. Amana musenge. No no, neka fanu mengo. Amana musenge. The music. Afacha bate wa music. The music. Afacha bate wa music. Bimoko bideme kumalela. Bimoko tideme paralela. Bimoko mahine. Utido. Aflede abamako, iye ko kele dubu abamako. Aflede abamako, umamiye umamime ubole fo. Na manga pena, che amogota anko kumadela. Kokuma, che na manga vila, che amogota anko kumadela. Tumali je watuka kuna orode, fantasa gola duwa ude. Maliye ndo hanfierte, maliye baby fe. Tumali je watuka kuna orode. Fanta sa gola tua ude Malie no ha fierte Malie un baby fe. No, no, je suis désolé. Amana masa lente. No, no, neka fa momento. Amana masa lente. De music. Afaja bate ba music. Ambate. De music. Afaja bate ba music. Kuma ita nganye Alaba ere sagolila Minka di ala ya bolike ne min jara e domina ko kemi e domina abode ko tiki o don kuma hamise amino ambolo na fuli na fadu be adiera miye amadiya miye mama musenge te music fonu yo ma fuli bo ye mama musenge ni be malila hadi be koka mama musenge kanto ala bolo no tonte se Masayake, Masayake, masaya ke. Messi a fouillé, moi jaloux de ce ambe masaya ke. Moi masaya ke, masaya ke, ambe masaya ke. Motra, rebelle, choupat. Famaya na bas, champi, che. Tony Montana, C5, Arimba Gwell. Ali Castro, Momo Choco, Baron les génies. Dennis Williams, Ahmed Jawate, Salim Philly Boy, Yassine, SNS, Toumani Che, Luke NG, Samadini Madani, Happy Boy, DJ Lewis, DJ Carlos, Mouke, DJ Rob, DJ G, DJ Sabele Bele. Jawajewa muse Bimogo mahine Bimogo mahine Nyenga telefonita Ntara nam figi bugu sanfe Nne yelela Wale da vali ba na peu Nyenga telefonita Ntara viber sanfe Nenye bula Uda vene gavila Ne mune kila Ne mune fima Bima goma hine Ube kalu neila Mini chine bole Bima goma hine Unyata na ye lafu zuma ye Numa fo ubo tine Benga bebe fe Bebe fana bene fe Anu menyo fe Benga bebe fe Bebe fana bene fe Angari nyo nye Fido Benika fido Ika banta banta tita lache Sema vi Sema vi Fido Benika fido Ika banta banta tita lache Sema vi Bama kukani de Benika fido Bama kukani de Wa bebe bedo Nibe lafu dumana Nibe jarabi dumana Ikadi ika bebe Ika bebe nikadi ye Aterube dofwa ye Neterube dofwa nye Viber be perevu ambaye Facebook be perevu partage Walay Kelefu benare Mangafu benare Idumano Nafiki viber tika tusuka sirekile Ouais domano, qu'on a mes sorons en Facebook ou t'y satisfait Anga love du manke, anga kumaga du manuke Anga fit manuke, ika viber c'est wala Baby, Facebook ou c'est wala Ubuda, duga love du mala Kassoro, unye binga bebe la A quoi vous qu'on a dit? Unye binga bebe la Eh, kassoro yika bebe negebula Imano na ya Igenela, mon bébé, anganga vige kasro sentala. Fido, benika fido, ika banta banta tita lache se ma vi, se ma vi. Fido, fido, benika fido, benika fido, ika banta banta tita lache se ma vi. Koku malame, aunta koku malame, koku malame, aunta koku malame. Koku malame, aute fega mi e abo ye Koku malame, aute fega mi me abo me Koku malame, neten koku malame Koku malame, mo aoutan koku malame Yeah, lindugo wahine, boga jugo wahine Mali ba pisansi, o mai de pisansi, mo jama de pisansi. Bisansi, oh my name, hey Bisansi, make a phone of Bisansi. Allez, quittez, quittez, quittez, quittez, quittez, quittez les jaloux. Allez, quittez. On va bloquer, bloquer, bloquer. On va bloquer, bloquer les jaloux. Il faut pas me chercher. Tu vas pas me trouver. Mon petit, faut pas me chercher. Tu vas pas me trouver. Arrête de parler, parler, parler. Je suis déjà confirmé. Arrête de parler, parler, parler. Moi je suis confirmé. Je suis l'enfant béni. L'enfant béni. L'enfant béni. L'enfant béni. Eh, toi ou deux. Je suis l'enfant béni. L'enfant béni. Eh, puissance. Mon maliba puissance. Oh my god. Eh, puissance. Mon diamant puissance. Oh my god. De musique puissance, oh my name, hey puissance, mégaphone puissance. Allez quitter, quitter, quitter, quitter, quitter les jaloux. Allez quitter, quitter, quitter, quitter, quitter les jaloux. Allez quitter, quitter, quitter, quitter, quitter les jaloux. Allez quitter, quitter, quitter, j'ai dit quitter les jaloux. Ahmed, Jabate, Jabate ba musique bekai. Toga bena, sanga bena, ngabou ngajan yoronate. Padobea, angajia, tiya gapo anyomote. Baby, can I song, I can I song, man. be fe kambila nyogo na ikana soma ikana soma moko jogo kuwa lawe ikana soma na na na na na ekoni mbado nebe ekene fe my love na na na na na na baby enote wane enote Masa ala de yondi nyogo mami nyogo fe kanuna Ikana song kibem blankele na my love Ikana song Ikanu lame Wane bado Ibe nefe nifana bife Ibe kamukok malame Ibe kashu Wane bado Ikre ninkre nika jansan fe Ami kodu anu Baby, baby, baby Jabate, yeah, jabate va me use 2017, Baruba 2017, Baruba 2017, ne kanye fofana kailema, yeah, ne kanye Baruba lema 2017. Baruba 2017 Garambe Baruba Baruba e bele bele bae Garambe Baruba Moni mana kenyana bo Garambe Baruba Baruba e bele bele bae Garambe Baruba Moni mana kenyana bo 2017 Baruba 2017 2017 Baruba 2017 2017 Baruba 2017 2017 Baruba 2017 Sidi fofana genkele baruba Nyuma yala boruba nyoko mancha Ali mami gadua ubiye Ali kai gadua ubiye Ali ji gadua ubiye Kie dua udenye Kie kangalenti hiye Boruba bile bile ba Cha ute nyokona Mbogolo ba ulebe nyokona Niba segena Idembe kasita ye Fata kita jengele baruba Ye duwa udenye Mariamu me duwa ukiye Amise tuwe duwa ukiye Endabe duwa ukiye Kie duwa udenye Garambe baruba Baruba ye bele bele ba ye Garambe baruba Muni mana kenyana bo Garambe baruba Baruba ye bele bele ba ye Garambe baruba Muni mana kenyana bo Ale 2017, Baruba 2017, 2017, Baruba 2017, 2017, Baruba 2017. Allez. 2017 et Baruba 2017. Kuna holode, kuna holode, kuna holode, Baruba e kuna holode. Kadija balimake, Asam balimake, Baboy balimake, Bwa balimakele, Ibrimu balimake, Isa balimakele. Soirée dernière chez Baruba, akanga futu maledo, furu chenu maledo. Soirée dernière chez Baruba, Siri fofana fakele, Mariamu fofana fakele, Fanta fofana fakele, Baruba chez baye. Garambe Baruba, Baruba e bele bele baye. Garambe Baruba, moni mana atiana bo. Garambe Baruba, Baruba e bele bele baye. Garambe Baruba. 2017, Baruba 2017. Allez. 2017 et Baruba 2017. Allez. 2017, Baruba 2017. Allez. 2017 et Baruba 2017. Grosso, terken numale. Baruba, tapachalo terken numale. Baruba, aruna bino terken numale. Baruba, afeliera terkele. Baruba, Ibrahim Baté du Belgique. Boka folifié, Félix le bourgeois ko, Kalebe Baruba fe. Masamba terke nyumale, yeah. Rebel terke nyumale. Bamako kura, je ne suis kubi fe. Baruba le, kubi ko. Garambe Baruba, Baruba ye, bele bele ba ye. Garambe Baruba, moni mana atiyana bo. Garambe Baruba. Baruba, moni mana atiyana bo. 2017, Baruba 2017. Allez. 2017 et Baruba 2017. Allez. 2017, Baruba 2017. Allez. 2017 et Baruba 2017. Allez. 2017, Baruba 2017. Allez. 2017 et Baruba 2017. Allez. 2017, Baruba 2017. Allez. 2017 et Baruba 2017. Jabate va m'user. Ika nan torole ni kemfele. Ika nan nyani nyani le ni kemfele. Oma yile. Oma yisale. Si tu m'aimes pas, faut me le dire. Si tu m'aimes pas, dis-moi la vérité, faut me le dire. Kanan torole, oma fondi ayela. Kanan nyanile, oma fondi ayela. Kemfe, nagife, fara mabona mi nife. Kemfe, nagife, fara mabona mi nife. Amada boni gama, amada boni gama. Kemfe, nagife, terike, fara mabona mi nife, terimuso, kemfe, nagife. Jabate ba music. Bangadas, Hamalanya ndia ye mole, Ibawari ndia ye mole, Boruba ndia ye mole, Buya kuya teninga mole, Mama kuta ndia ye mole, Nyasi ndia ye mole, Sante jara bila imadona. Hamalaires, Mo bebe, My honey, Jara bima nile, Jara bima nile, Fate juu ya la Ne wili la dondola Kome ke foli ke la ye Uye juu ya uye nkoni ya Uko kwante ke fenye Ne wili la dondola Kome ke foli ke la ye Uye nkorofo uye ndogo ya Uko kwante ke fenye Jome ni dakane Ja bebe ki dakane Ibe bire donga ite sinino Ale be fen fena, ware fukola. amen. Musa na re amen. Motu waza apere. Cheni kungolo be cheni bela. Kuruaza apere. Aga konzeri be jine fame. Dono la soufela la. Lekle la nga konzeri la. Anga malibala. Neni njeni nino wali. Fanu me gire gire na. Deni nana kabe na numero ta. Moi je bois le cake à dégager. Moi j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour toi. J'ai pas le temps pour ça. Turbola itimiri wa itimiri le itimiri wa iye kuma mi fo wa enina na iye koni ke wa bide sera ebe telefoni ni moro temane ambi degage ambi degage kire fule kire fule ambi degage degage voilà ba kunu kuyeta e biye aunde ta e kunu kuyeta e biye aunde ta e for Jabate ba music a for Jabate ba music be a domare moi je suis heureux be a cobare y joyeux anniversaire be a domare moi je suis heureux Bien cobaré, joyeux anniversaire. Bien adoré, bien fêté, bien cobaré, joyeux anniversaire. Bien adoré, bien fêté, bien cobaré, joyeux anniversaire. Wateri malu sigileme Ikoni yo nu sigileme Ulube ko joyeux anniversaire Ulube dua ukiye Terube dua ukiye Ifani babe dua ukiye Ulube ko joyeux anniversaire Bien adoré, bien fêté, bien fait pour toi. Et ça c'est pour toi. Aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire. On est tous là pour toi. On est tous là pour toi. Coupons le gâteau et faisons la fête. On est là pour ça. Oh, my. wala wala wala kako ube nege nege de kanege nege de ube nela jua kako ube nege nega nega kako ube ne wala wala wala wala kako ube nege nege de kanege nege de ube nela jua ube nela jua ube nela jua jabate ba miuse. C'est le jour de mon mariage. Ne tirant jamais que les mains. C'est le jour de mon mariage. Ne tirant jamais mon sol les mains. C'est le jour de mon mariage. Yeah. J'avais pas mis. So parilelo bange ba usigilelo o furusiri benake mere perenelo tere udalamado angelo se valendo o furusiri benake bie se walo ye bie kotalo ye furusiri benake. Aujourd'hui on nous a déclaré mari et femme. Je suis ton mari et tu es ma femme. Je t'ai choisi. Furuye nyokonde mere, furuye sabaniye. Dans la richesse et dans la pauvreté. Furute samaraye, ni segena kiba jete. Mo furute buli kibaye, ni segena kiba depose. Nebe dua ukawe, alaka furu nishibe. Nebe dua ukawe, kase nimbolo wala. On va gagner, jouons faire plaisir, c'est la fée qui gagne. tout on s'appelait, c'est l'Afrique qui est Sidi que no te me sala mami que yo sí sé hola. Se coté, no me daño mamá, yo sí sé boté. Se coté, da cante que da cante sa, da cante que da cante corabola, ne ven da cale bolo ye. Canadina, ya toco tibi la fialete, ya guari tibi la fialete. Tranquille la fialete, al presidente la fialete, a la mami que yo ni sé tola. Se coté, venidale, venida galero. Se coté, au panabara si di hima, la catigui a la lena. We have been for si di hima, la catigui a la lena. We have been da si di gila. Na fate juguyala, na fate koniala, ja na fate juguyala, na fate koniala, ja na fate juguyala, na fate koniala, ja na fate juguyala, na fate koniala. Juguyale, namu, juguyama yine. Kumani dinke, siriki, jabate, alhamdulillah ya rabbali alamina, eke rifaye. Nala I play you are not yet. Give me manka chama menga o kanitoro. Kani kofile, nete na kofile. Jeli bilashi, fili toka sa mama mare. Nete na kofile, li fanta gengele. Kani kofile, nete na kofile. Tumane gengelo. Kani kofile, nete na kofile. Te kora fa mali yo ye. Sidiki ala yo dima. Gengele duwana wali yo ye. Sidiki ala yo dima. Fali duwa ke mali yo ku. Sidiki ala yo dima. Java Deva Muse, Hamalayan, Baruba, Afo Java Deva Muse, Umar Yatasai, Abdin Yatara, Ikanamine, Mangokano, Mahonevelefe, Ikanamine, Jogokano, Mahonevelefe, Shehile, Ye, Mona. Mira mínima, le di a mi mole, mira mínima, le di a mi mole, mira mínima, a la di a mi mole, mira fanama. Mana mira nga sufe konuma, fwene miribe janya. Mana mira nga koduma numa Kungolo benya mine sheri Mone vife Ne jodala Ne badon kon jodala le Ila dimi maninye ila kasi maninye Sheri le Kele la miri mani Kele la dali maninye Kele la miri mani chérie ya fama kelele kelele kusi bali mara ya rabila siri kelele kelele ya fane maleli bali mara ya rabila siri kelele mon amour ma chérie ne mi fe ya fane ma chérie mon ne mi fe I love you mon ne mi fe ma chérie mon ne mi fe I need you. Cachoirelo, Benica Gurelo, ça ne se discute pas. Benica Arelo, Benica Gurelo, ça ne se discute pas. Bevento alae, Necho talale, Chéri Joro. Baby, I'm sorry. Netara Amerika tala, ma chéri nyonye. Netara farasitala ma chérie nyonye baby le Netara Senegal Senegal Netara lagire lagire Netara Côte d'Ivoire ma chérie nyonye baby le je suis désolé y'a pas de manche je suis désolé y'a pas de manche. C'est la donnée, Imano, j'ai Imarona, Ika Wolofono Kene, Imano, j'ai Imarona, Iki Jacky Sela Magane, Imano, j'ai Imarona, Ika Wolofono Kene, mon amour, ma chérie, ne vive, mon amour, ma chérie, I love you. I'm sorry. I'm sorry. Ask him, me gang it to them, some son, yeah. But you never